We'll be right back. Woman, set me on my Bitte. Where is the drummer? Jean-Pierre. Où es-tu, Jean-Pierre? Jean-Pierre, il est parti. Il est où, Jean-Pierre? Jean-Pierre, il est sur le 2049.